Chapitre 57e. Pèlerinage. Alger vient de refuser une nouvelle fois la demande d'extradition, dit Dutilleul d'une voix morne. J'ai eu beau tirer toutes les ficelles possibles, Osimhani nous échappe bel et bien. Pour l'instant, Titi, pour l'instant, mais il n'en sera peut-être pas toujours ainsi, le calma Henri Castex. C'est à souhaiter, mais je n'y crois guère. Il suffit de se montrer patient. Et de toute façon, qu'est-ce qu'il nous reste? On se lasse de tout. J'ai dans l'idée que si le garçon est aussi intelligent que je le pense, il ne tardera pas à se sentir à l'étroit quand il découvrira les lacunes de son pays. C'est là où je ne te suis pas. Aux dernières nouvelles, il a retrouvé ses sœurs et sa mère. Raison de plus. Pour l'instant, je te l'accorde, le pré est bien vert et bien gras. Mais je te le dis et je te le répète, il ne tardera pas à vouloir améliorer le sort de sa famille. Le désir sera d'autant plus impérieux qu'il voudra à toute force rattraper le temps perdu. C'est là, crois-moi, qu'il finira par sortir de son trou. Interpol a bien reçu le mandat d'arrêt délivré par Richaud. Oui, ils l'ont bien réceptionné. Mais en cas de problème, Alger pourrait l'aider à quitter discrètement le pays. Je ne suis pas sûr que cela arrangerait ses affaires, surtout si par exemple il comptait partir aux États-Unis. Il n'en demeure pas moins que je ne suis pas satisfait. « Garde espoir, Titi, sait-on jamais. Il pourrait déraper maladroitement sur un couteau, même si je n'y crois guère. Il a survécu jusque-là, et je ne pense pas que les menaces de Malik Boucharif l'intimident le moins du monde. »« Tu penses qu'il est au courant ?»« Je le lui souhaite. Mais il est temps de tourner la page, Titi. Prends quelques jours. Mais n'oublie tout de même pas que tu nous dois un tennis, à Michonnier et à moi. » Dans le train qui l'amenait à Biarritz, Dutilleul avait continué à lire les lettres de Marek et Van Gunberg. Celle-ci était rentrée en France en 1979 et s'était installée aux alentours de Biarritz. Pas une fois elle n'avait eu l'opportunité d'aller à Paris, et sans doute avait-elle jugé plus sage de ne pas le faire. Si je montais voir Marie à Paris, je crois que je ne pourrais me retenir de lui sauter au cou et de ne plus la lâcher, afin de ne plus jamais la perdre. Naturellement, elle ne comprendrait rien. J'ai peur de ne jamais parvenir à rattraper le temps perdu. Puis, comment lui expliquer mon geste quand je l'aurai en face de moi? Ce n'est plus une enfant docile de 5 ans. Comment l'empêcher de me juger et comment lui dire qu'elle ne peut pas toujours faire partie de ma vie? J'aime profondément Armand et je ne veux pas le perdre. Je me montre égoïste une fois de plus, tant pis. De toute façon, avec Marie, ça n'aura été qu'une suite de ratages qui me sont entièrement imputables. Je sais que je me comporte en poule mouillée, mais j'ai tellement à perdre. Une lettre avait particulièrement marqué Dutilleul, celle où Marieke von Gunberg évoquait la mort de Marie. La Bastide, Clérance, 28 mai 1988. Ma chère Lotte. L'affreuse nouvelle était dans la rubrique faits divers du journal de ce matin. Je suis dévasté. Je regarde encore la si belle affiche que tu m'as envoyée, où elle pose. Tellement lumineuse, je ne peux me résoudre à accepter que de si beaux yeux ne s'ouvriront plus jamais. Pourquoi n'a-t-elle eu droit qu'à un bonheur éphémère? Si tu savais, comme j'en veux à ce Samson. Je suis sûr qu'il roulait trop vite. L'article dit que le corps de mon petit ange est méconnaissable. J'ai décroché l'affiche du mur et je n'ai pu m'empêcher de la bercer. Armand se tenait sur le pas de la porte de notre chambre. Il a dû sentir que quelque chose n'allait pas. Il m'a obligé à lâcher l'affiche. Il l'a soigneusement étalée sur le sol et m'a dit qu'il savait pour Marie. Il m'a pris dans ses bras. Je pensais cela impossible tant je souffrais, mais je l'ai laissé faire. Plus que jamais j'avais besoin de sa chaleur. Il n'était pas fâché du tout, bien au contraire. Il m'a dit que j'avais mis au monde une bien jolie jeune fille. Alors le barrage a enfin cédé et je lui ai tout dit. Je lui ai lu tes lettres. Je l'ai senti très ému. Il m'a alors proposé de nous rendre à l'enterrement. Cette simple proposition m'a apaisé. Pour la première fois, hélas, la dernière, je serai enfin là pour Marie. Armand m'a dit clairement qu'il n'approuve pas ce que j'ai fait, mais qu'il peut comprendre, surtout après avoir rencontré mon géniteur. Il m'a demandé si j'avais des nouvelles d'Olaf Christianson. Je lui ai dit que non. Il savait bien que c'était la vérité. Il m'a demandé si j'éprouvais encore quelque chose pour lui. Je lui ai répondu que c'était le pire des salauds et que j'étais heureuse que Marie n'ait pas eu à porter ce nom au nid. Armand s'est tu et m'a laissé à mon chagrin, sans s'éloigner toutefois. Je lui dis alors que j'aurais adoré lui donner des petits Armands et des petites Armandes. Il m'a alors avoué tristement qu'il était stérile et qu'il n'avait pas voulu adopter parce que son frère avait tenté l'aventure et que cela avait mal tourné. Je ne l'ai pas interrogé davantage, car j'ai tout de suite senti que le sujet était toujours douloureux. Dutilleul arriva à la Bastide Clairance par une après-midi torride. Bien qu'il se fût habillé de façon décontractée, il ne se sentait pas à l'aise pour autant. Il avait chaud et surtout horriblement soif. Grâce à Patricia Martineau, il savait que la villa qu'occupaient Marieke van Gunberg et son mari était un peu à l'écart du village et il n'eut aucun mal à localiser la villa Marie. Le chauffeur de taxi lui-même avait l'air de la connaître. Pourquoi ? Parce que j'ai conduit une dame très récemment. Elle parlait très bien français, mais j'ai tout de suite su que c'était une Allemande, dit l'homme avec un fort accent du sud-ouest. Dutilleul n'eut pas besoin de s'interroger longtemps pour savoir de qui il s'agissait. Il avait retenu une chambre d'hôtel à Biarritz car il comptait bien profiter de la mer. Mado voulait le rejoindre pour le week-end et cette perspective le mettait de bonne humeur. Ensuite, il verrait, puisqu'il avait quelques jours devant lui. Bien sûr, il avait un plan, mais il ne savait pas encore s'il pourrait le mener à bien. En fait, tout dépendrait de son entrevue avec Marieke van Gunberg. Dutilleul fit arrêter le taxi devant une grille ouvragée, et après avoir réglé la course, il sonna. Une voix déformée lui répondit par l'interphone. Visiblement, on venait le chercher. Le portail s'ouvrit sur une pelouse joliment entretenue qui montait en pente douce. De là où il était placé, il pouvait apercevoir la maison qu'il trouva prétentieuse. C'était assurément une maison d'architecte, mais elle lui semblait froide et sans âme. On avait abusé de matériaux de prix et l'ensemble donnait surtout une impression de lourdeur, alors même que c'était l'inverse qui avait dû être recherché.